Chapitre 8e. Tarascon, Tarascon. Midi. Le zouave chauffe, on va partir. Là-haut, sur le balcon du café Valentin, messieurs les officiers braquent la longue-vue et viennent, colonel en tête, parent de grade, regarder leur petit bateau qui va en France. C'est la grande distraction de l'état-major. En bas, la rade étincelle. La culasse des vieux canons turcs enterrés le long du quai flambe au soleil. Les passagers se pressent. Biscri et Mahonnet entassent les bagages dans les barques. Tartarin de Tarascon, lui, n'a pas de bagages. Le voici qui descend de la rue de la Marine par le petit marché, plein de bananes et de pastèques, accompagné de son ami Barbassou. Le malheureux Tarasconnais a laissé sur la rive du mort sa caisse d'armes et ses illusions, et maintenant il s'apprête à boguer vers Tarascon, les mains dans les poches. À peine vient-il de sauter dans la chaloupe du capitaine, qu'une bête essoufflée dégringole du haut de la place et se précipite vers lui en galopant. C'est le chameau fidèle, qui depuis 24 heures cherche son maître dans Alger. Tartarin, en le voyant, change de couleur et feint de ne pas le connaître. Mais le chameau s'acharne, il frétille au long du quai, il appelle son ami et le regarde avec tendresse. « Emmène-moi, » semble dire son œil triste, « emmène-moi dans la barque, loin, bien loin de cette Arabie en carton peint, de cet Orient ridicule, plein de locomotives et de diligences, où, dromadaire déclassé, je ne sais plus que devenir. Tu es le dernier Turc, je suis le dernier chameau, ne nous quittons plus, ô bon Tartarin. » « Est-ce que ce chameau est à vous ?» demande le capitaine. « Pas du tout, » répondit Tartarin, qui frémit à l'idée d'entrer dans Tarascon avec cette escorte ridicule. Et reniant impudemment le compagnon de ses infortunes, il repousse du pied le seul Algérien et donne à la barque l'élan du départ. Le chameau flaire l'eau, allonge le cou, fait craquer ses jointures et, s'élançant derrière la barque à corps perdu, il nage de conserve vers le zouave, avec son dos bombé, qui flotte comme une gourde, et son grand col, dressé sur l'eau en éperon de trirème. Barque et chameau viennent ensemble se ranger au flanc du paquebot. « À la fin, il me fait peine, ce dromadaire, » dit le capitaine Barbassou, tout ému. « J'ai envie de le prendre à mon bord. En arrivant à Marseille, j'en ferai hommage au jardin zoologique. » On hissa sur le pont, à grand renfort de palans et de cordes, le chameau, alourdi par l'eau de mer, et le zouave se mit en route. Les 2 jours que dura la traversée, Tartarin les passa tout seul dans sa cabine, non pas que la mer fût mauvaise, ni que la chécha eût trop à souffrir, mais le diable de chameau, dès que son maître apparaissait sur le pont, avait autour de lui des empressements ridicules. Vous n'avez jamais vu un chameau afficher quelqu'un comme cela. D'heure en heure, par les hublots de la cabine où il mettait le nez quelquefois, Tartarin vit le bleu du ciel algérien pâlir. Puis enfin, un matin, dans une brume d'argent, il entendit avec bonheur chanter toutes les cloches de Marseille. On était arrivé, le zouave jeta l'ancre. Notre homme, qui n'avait pas de bagages, descendit sans rien dire, traversa Marseille en hâte, craignant toujours d'être suivi par le chameau, et ne respira que lorsqu'il se vit installé dans un wagon de 3e classe, filant bon train sur Tarascon. Sécurité trompeuse. À peine à 2 lieues de Marseille, voilà toutes les têtes aux portières. On crie, on s'étonne. Tartarin, à son tour, regarde et qu'aperçoit-il? Le chameau, monsieur, l'inévitable chameau, qui détalait sur les rails, en pleine croc, derrière le train, et lui tenant pied. Tartarin, consterné, se rencogna en fermant les yeux. Après cette expédition désastreuse, il avait compté rentrer chez lui incognito. Mais la présence de ce quadrupède encombrant rendait la chose impossible. Quelle rentrée il allait faire? Mon Dieu! Pas de sou, pas de lion, rien, un chameau! Tarascon! Tarascon! Il fallut descendre. Oh, stupeur! À peine la chéchette du héros apparut-elle dans l'ouverture de la portière, un grand cri, « Vive Tartarin! Vive le tueur de lion! » Et des fanfares, des chœurs d'Orphéon éclatèrent. Tartarin se sentit mourir. Il croyait à une mystification. Mais non, tout Tarascon était là. Les chapeaux en l'air, et sympathique. Voilà le brave commandant Bravida, l'armurier Costecalde, le président, le pharmacien, et tout le noble corps des chasseurs de casquettes qui se pressent autour de son chef et le portent en triomphe tout le long des escaliers. Singuliers effets du mirage. La peau du lion aveugle envoyée à Bravida était cause de tout ce bruit. Avec cette modeste fourrure, exposée au cercle, les Tarasconnais, et derrière eux tout le midi, s'était monté la tête. Le sémaphore avait parlé.